deuxième temps de notre série consacrée à l'histoire de la ville de Lyon. Aujourd'hui, le documentaire. Hier, nous nous sommes interrogés sur l'histoire urbaine de Lyon et sur la psychanalyse de cette ville à l'occasion de l'exposition du musée d'histoire Lyon sur le divan. Demain, nous vous parlerons Révolution française à Lyon et jeudi du protestantisme dans la capitale des Gaules. Et aujourd'hui, eh bien, alors que Lyon est considérée comme une capitale secrète ou une capitale de l'ésotérisme, cela fait partie des clichés sur la ville, eh bien, le documentaire de la Fabrique de l'Histoire s'attaque à un mystère souterrain, les arêtes de poisson, un mystère sous la Croix-Rousse, il est signé Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury, et s'interroge sur la découverte officielle, en tous les cas en 1959, sous la Croix-Rousse, de souterrains en forme d'arêtes de poisson. Un documentaire qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses, avec les témoignages et les analyses d'Anne Pariante, de Luc-Françoise Dimiret, d'Emmanuel Bernot, de Bruno Pérez, de Jamila Fellag, de Jean-Dominique Durand, de Patrice Faure, de Walid Nazim et de Georges Combes. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire. Ce matin. Bon, là, on est devant quelque chose de quand même énorme, au sens où on n'a quasi rien à se mettre sous la dent. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Alors après, on peut fantasmer sur mille choses. On peut imaginer un grand coffre-fort, on peut imaginer un passage, on peut imaginer une cache, on peut imaginer stockage d'armes, on peut imaginer... Et c'est là où finalement le travail de l'archéologue est important, c'est que tant qu'on n'a pas de preuves, eh ben, on ne dit pas. L'endroit est étrange. Tout semble devoir y disparaître sans laisser le moindre vestige. Le sanctuaire romain, la citadelle, et récemment les anciennes maisons du sommet de la Grande Côte. Je vous rappelle que Rome, Naples ou Paris, toutes les villes font visiter leurs souterrains. Il n'y a qu'à Lyon où le souterrain, c'est quelque chose de dangereux qu'on ne peut pas faire visiter parce que pour des questions de sécurité. Qu'est-ce qu'on nous cache ? Il reste des voiles à lever aujourd'hui et j'espère que quelque part, certains services ont la réponse et qu'ils finiront par la donner. Ça peut se comprendre, les gens ont envie de croire en quelque chose, de croire en un mystère, en un secret. Mais je crois qu'il faut ramener du côté de l'énigme plutôt que du secret. Du secret gardé par des initiés. Ces voûtes mystérieuses finissent par être envoûtantes. Tout n'a pas été exploré par les archéologues. Une force quasiment magique s'en dégagerait-elle ? Les arêtes de poisson. Un mystère sous la Croix-Rousse. Victor Massé de l'Épinay, Anne Fleury. C'est un ensemble de souterrains très élaborés. C'est sous la forme d'arêtes de poisson, c'est-à-dire vraiment comme un boyau central sur lequel viennent se greffer toute une série de branches secondaires. C'est assez profond, mais on ne sait pas à quoi puissent servir ces arêtes de poisson. Simplement, cela suppose un travail considérable. Qui a creusé ? Il y a des hypothèses pour que ce soit des gens, probablement des esclaves, très jeunes. On ne peut pas s'empêcher, enfin, pour tout cas ce qui me concerne, de penser aussi aux souffrances qu'il y a derrière. Jean-Dominique Durand, vous êtes adjoint au maire de Lyon, chargé entre autres choses du patrimoine, et c'est à ce titre que vous nous recevez. Qu'est-ce que la municipalité fait avec ces souterrains ? Le problème auquel nous nous heurtons, c'est que ces arêtes de poisson, de par le côté un peu mystérieux, hein, et le fait que ce ne soit pas accessible, fait gamberger énormément. Hein. Il y a énormément d'hypothèses, de choses de réflexions, dans une ambiance un peu complotiste aussi, hein, qui est bien de notre temps. Donc nous sommes confrontés à cette question-là et nous ne pouvons pas je crois, laisser la place à ceux qui inventent des théories, etc. Personnellement, je suis en charge, comme vous l'avez dit, du patrimoine de la ville, mais je suis de métier historien, et donc avec une démarche scientifique, et je crois qu'il faut accepter à un moment donné que la science n'apporte pas toutes les connaissances. Il arrive un moment où il faut, avec humilité, accepter que l'on ne sait pas tout. Ça fait partie de la recherche. On va aller rencontrer quelques-uns des auteurs de ces hypothèses que vous évoquez, Jean-Dominique Durand. Oui. On va maintenant dans une librairie du quartier Saint-Jean, dans laquelle Walid Nazim donne une conférence ce soir. Est-ce que vous avez déjà assisté à l'une de ces conférences ? Par principe, je préfère ne pas aller parce que je ne veux pas cautionner ni être amené à m'opposer en tant qu'élu, en tant que politique. C'est un petit peu compliqué à gérer. C'est un homme par ailleurs fort sympathique et c'est vrai que le livre de Walid Nazim a un succès considérable. Et ses conférences aussi. On vous suit ? Oui. Le rendez-vous est fixé à 19h à la librairie Cadence, à deux pas de la cathédrale. Un coup d'œil à la vitrine et au rayon surchargé de livres, spiritualité, ésotérisme, alchimie, franc-maçonnerie. Et nous partons après que le libraire a mis sur la porte une pancarte pour les retardataires. La conférence a lieu dans une petite salle de la rue des Antonins. On ouvre une discrète porte en bois, on descend trois marches, et après avoir donné son nom, il fallait avoir réservé, et payé son entrée, 8 euros, on s'installe comme on peut sur la cinquantaine de chaises dépareillées, ou par terre pour les derniers arrivés. Le rétroprojecteur est en marche, voilà le conférencier. Merci d'être venus encore nombreux ce soir pour cette conférence sur les arêtes de poisson. Donc je vais laisser la parole à Walid. Merci beaucoup Dorian. Donc je suis ravi de vous voir si nombreux ce soir pour parler un petit peu de ce qui représente à mon sens le plus grand secret de Lyon, puisqu'on va parler non pas d'un souterrain, mais d'un monument souterrain, ce qui fait toute la différence. Très méconnu, que moi j'ai eu la chance de découvrir dans ma jeunesse, parce qu'à Lyon, c'est vrai qu'on a pas mal de souterrains, je vous en parlerai un petit peu, et tous ces souterrains ne font pas absolument pas partie du patrimoine officiel de la ville, et pourtant on a un véritable monde sous nos pieds, et au milieu de tout ce monde souterrain, donc cette énigme, les arêtes de poissons, donc on ne sait pas qui l'a fait, ni quand, et ni surtout à quoi ça sert. Il n'y a pas d'autres exemples du même type de souterrain dans le monde, donc on est bien en peine de définir la fonction du lieu. Il y a forcément une fonction, on va le voir ensemble. Et puis, moi, quand je découvre les arêtes de poissons, comme ça, par hasard, c'est réputé être d'anciens souterrains dépendant des fortifications militaires, découverts en 1963. Bonsoir. Excusez-moi. On vous en prie, installez-vous. Donc une énigme historique, une enquête historique en l'occurrence, je l'ai écrit comme un... Alors je suis Walid Nazim, je travaille sur les arêtes de poissons depuis à peu près 2005, donc ça fait quand même maintenant pas mal de temps. J'ai fait une enquête qui m'a amené à publier l'énigme des arêtes de poissons, une enquête historique qui est parue en 2011. Depuis je continue à travailler sur le sujet et je prépare un prochain ouvrage. Je suis complètement autodidacte, historien par passion. Ce qui m'a frappé, ce qui m'a poussé à faire cette recherche, c'est le fait qu'on ait aucune littérature sur le sujet, aucune archive. J'ai trouvé ça très curieux, cette espèce de vide, ce côté un petit peu tabou également du sujet. Et c'est ce qui m'a amené à m'y intéresser. Ouverture. Complet. Ici, on peut voir un premier groupe de 9 paires d'arêtes, un deuxième groupe de 3 paires d'arêtes, et puis deux groupes de 2 paires d'arêtes, ce qui vous montre que le réseau, c'est pas une colonne vertébrale qui descend tout droit. On est, c'est d'abord ça qui interroge, dans un site qui a été bâti sur plan par des architectes. On a actuellement 2 km de galeries qui sont accessibles. Le centre de ces galeries, c'est donc ces 32 galeries en cul-de-sac que les services techniques ont nommé arêtes de poisson, qui font 1,90 m de large sur 2,20 m de hauteur, situées à 30 mètres de profondeur, et reliées entre elles par une galerie centrale qui est doublée d'une galerie inférieure 9 mètres plus bas qui suit le même tracé, mais sans desservir de galerie latérale. Un plan comme ça, c'est complètement atypique, ça n'existe que dans ce réseau, donc la structure unique d'abord interroge. Autre particularité, c'est le fait que ce réseau soit construit avec des pierres qu'on est parti chercher à plus de 50 km d'ici, le fait qu'on n'en ait aucune trace dans les archives, et puis que le génie militaire ignore leur existence. Là encore, c'est très étrange, dans une ville comme Lyon, il semble que ce souterrain soit apparu brutalement lors de la découverte réelle en 1959. C'est complet ? En fait, l'archéologie est une mission régalienne de l'État. Donc, le service régional de l'archéologie ici à Lyon est un service de la DRAC, service déconcentré du ministère de la Culture. Et en l'occurrence, le service régional de l'archéologie, l'essentiel de son activité, c'est l'archéologie préventive et la prescription de fouilles avant travaux. Et c'est dans le cadre d'une mission d'archéologie préventive, Luc-Françoise Dimirec, en 2008, au moment des travaux pour le percement d'un second tunnel sous la Croix-Rousse, vous avez été amené à aller pour la première fois dans les arêtes de poissons et à décider d'une fouille. Alors en fait, il y avait un peu une urgence à réaliser ces travaux de sécurité pour le Grand Lyon. Par mesure de précaution, on a donc prescrit une intervention sur ce secteur des arêtes, car le tunnelier devait en détruire un petit morceau, des petites sections. Donc là, comme on était complètement dans le champ de l'archéologie préventive, on a simplement ce qu'on fait toujours en pareil cas, hein, avant la construction d'un immeuble, d'une route, etc., prescrit l'étude, et en l'occurrence là, une étude qui était composée d'un travail de terrain, d'un travail de diagnostic. Voilà, comme ça s'est déroulé. Alors je crois que la première fois que je suis rentré dans ces galeries, l'impression que j'en ai eue au regard de l'ambiance, des matériaux, de la configuration, etc., je me suis dit spontanément, je ne suis même pas posé une seule seconde la question du côté antique éventuellement de ces ouvrages, et je me suis dit spontanément, on est dans un ouvrage qui est de la période moderne ou quelque chose de contemporain du 19e, voilà. Complètement étonné effectivement par l'aspect quand même monumental, l'aspect très complexe, comme ça, et puis aussi étonné comme toute l'équipe qui découvrait ça, du côté peu utilisé finalement. Je vais faire des comparaisons un peu osées, mais un souvenir qui m'a marqué quand je suis descendu à la grotte Chauvet, c'est de voir certains secteurs où il y avait des mouchages de torches, on sentait la vie, voilà. Même s'il n'a strictement rien à voir, ce qui m'a frappé tout de suite ici, c'est qu'on était dans un espace qui semblait relativement vierge, comme ça au premier contact. Ça va pas ? Ah, ça va pas rentrer. Si, il est réglable le casque, hein ? Les galeries sont un peu basses par endroit. C'est nos voix qui résonnent là-bas ? Ouais. C'est le réseau, j'ai l'impression qu'il y a des gens au fond. Bon. La rue des Fantasques domine le Rhône en longeant à mi-pente le versant est de la colline de la Croix-Rousse. C'est ici que nous ont donné rendez-vous Emmanuel Bernot du service archéologique de la ville de Lyon et Bruno Pérez qui dirige l'unité galerie du Grand Lyon. C'est ici que s'ouvrent les arêtes de poissons. Bottes, casque de chantier, lampe frontale, nous pénétrons sous la colline. Bruno Pérez, on vient de faire une vingtaine de mètres dans un boyau. Là, on n'est encore pas dans le réseau des arêtes de poissons. C'est un réseau de liaison qui a été conforté dans les années 60, lors de la redécouverte de ces fameuses arêtes de poissons, qui ne portaient pas encore le nom des arêtes de poissons, hein, puisqu'on ne savait pas ce que c'était. Et puis là, on va descendre ce puits-là, environ 8 mètres, pour accéder vraiment dans le réseau qui nous intéresse. Comment elles ont été découvertes, ces arêtes en 1959. Alors elles ont été découvertes suite à un fontis, c'est-à-dire un affaissement du terrain naturel, hein, du sol, rue des Fantasques, donc juste à côté de là où on est rentré dans le réseau. Et donc suite à ce fontis, il y a eu des investigations qui ont été faites. Ils ont redécouvert l'un des puits qui part de la surface, qui débouche à la surface et qui descend jusqu'à 25 mètres sous terre. Et c'est par ce puits que s'est fait la redécouverte, ce qu'on appelle le puits des Fantasques. C'est d'ailleurs le seul puits qui reste encore ouvert dans son intégralité et conservé dans ses maçonneries d'origine. Donc là, c'est une échelle en fer. Oui, une échelle en fer sécurisée avec un caillebotis et qui descend de 8 mètres avec un palier intermédiaire. Tout verra en passant, mais on ne s'arrêtera pas, on descendra d'un coup. C'est 8 mètres, hein, c'est faisable, quoi. C'est une échelle classique. Hein. Bon, qui passe pas de vertige. Qui passe en premier ? Vous. Non, je plaisante, c'est moi. C'est bon ? Donc on passe du béton confortablement en 1959, années 60, aux maçonneries des galeries en arêtes de poisson. Donc on est là sur l'arête supérieure, donc une des deux arêtes les plus hautes. Toujours des galeries qui fonctionnent en vis-à-vis, par paire. Il faut s'imaginer qu'à chaque intersection entre la galerie principale qui va descendre jusqu'aux berges et les arêtes, on avait à l'origine un puits qui remontait à la surface et qui descendait jusqu'à une galerie inférieure. Donc on a comme ça 16 puits avec 16 paires d'arêtes. La colonne vertébrale est au bout. La colonne vertébrale est au niveau des puits, tout à fait. On va la voir juste après. Alors l'eau que vous entendez couler, là, en fait, c'est, n'a rien à voir avec les arêtes de poisson. On se sert du réseau des arêtes de poisson pour faire transiter de l'eau de nappe. Donc ce que vous entendez, c'est de l'eau, mais il faut vraiment l'exclure des arêtes de poisson. Les arêtes de poisson sont au départ plutôt un ouvrage fait pour être sec, sans humidité. À l'origine, il n'y avait vraiment pas d'eau dans ces arêtes de poisson. Oui, ça, Emmanuel Bernot, c'est une des certitudes qu'on a eues assez rapidement. Voilà, effectivement, un des seuls éléments dont on est quasiment sûr, c'est que le réseau n'est pas lié à l'hydraulique. On a des sols, comme vous le verrez, qui sont constitués de couches de radier de une soixantaine de centimètres d'épaisseur, donc qui sont des radiers drainants, hein, faits de gravats. Voilà, tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'humidité dans l'air. De prime abord, ces galeries ont une apparence plutôt moderne, hein, moderne au sens historique du terme, hein, on va dire. Elles sont faites avec une pierre dans les tons jaunâtres, un calcaire, un troc, qu'on connaît bien à Lyon, qui est utilisé à Lyon depuis, on va dire, la fin du Moyen-Âge, essentiellement depuis le 14e, 15e siècle. Donc ce qui nous donne déjà une date butoir pour cet ouvrage. Or, depuis, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de la pierre locale habituelle à Lyon, mais d'une pierre qui venait plutôt du nord de Mâcon, donc à environ 80 km de Lyon, qui n'est pas la même pierre. À Lyon, les chantiers archéologiques sont confiés à plusieurs services, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, un service national, le service régional d'archéologie, et aussi, petite particularité, un service municipal, le service archéologique de la ville de Lyon. Jean-Dominique Durand. Effectivement, la plupart des villes s'appuient sur les services de l'État. Nous avons ce service qui a été voulu par Édouard Herriot à l'époque où l'on a dégagé le théâtre romain, où Lyon a pu se réapproprier son passé antique. Et nous avons eu ces grandes découvertes dans les années 30, le dégagement du théâtre romain, de l'Odéon à côté, et le maire à l'époque, qui était aussi ministre des Beaux-Arts, avait voulu doter sa ville de ce service archéologique. Anne Parient, vous dirigez le service archéologique de la ville de Lyon, vous nous accueillez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'hypothèse d'une construction à l'époque moderne, au XVIe siècle en l'occurrence, sur quoi elle a reposé et pourquoi elle a été, dans un premier temps, vraisemblable? Eh bien, elle a reposé à nouveau, vous allez nous trouver répétitif, sur l'usage d'un matériau de construction dont on ne connaissait pas d'autres exemples dans les vestiges romains dégagés à Lyon. Ce calcaire assez spécifique qui, finalement, n'est pas des monts d'or, mais on ne le savait pas quand on a mené l'opération. Elle a aussi reposé sur le parallélisme même quasiment parfait, qui reste étonnant, entre le plan de cette structure et les éléments topographiques qu'on connaît concernant la fameuse citadelle Saint-Sébastien qui a été construite au début du XVIe. Donc on en a fait une structure, dans notre premier rapport de diagnostic, on en a fait une structure moderne. Cette citadelle Saint-Sébastien, elle est aujourd'hui disparue. Est-ce qu'on peut imaginer que ce parallélisme a pu venir d'une construction qui avait été faite au-dessus des arêtes de poisson en rapport avec la structure souterraine? Pourquoi pas? On accédait à l'intérieur des arêtes par des puits qui avaient forcément été creusés à partir de la surface. Le caractère totalement parallèle des deux structures laisse supposer qu'il y avait une trace en surface qui a justifié l'implantation des murs de la citadelle. La citadelle elle-même, on ne la connaît parce qu'elle a été effectivement complètement détruite. Elle a beaucoup encombré les Lyonnais qui ont voulu s'en débarrasser assez rapidement parce qu'ils se sentaient investis par le pouvoir royal et qu'ils vivaient ça de façon invasive et désagréable. Et donc on la connaît par des plans qui ont été repérés dans les archives de Turin Donc elle a vraiment laissé assez peu de souvenirs. Topographiquement, quasiment rien sur le terrain. Et la question que vous vous posez est parfaitement légitime. Est-ce qu'on va encore plus profond ou... On peut aller plus profond, oui, on peut descendre jusqu'en bas et on aura fait à peu près, on sera descendu d'une soixantaine de mètres depuis la porte d'entrée des arêtes de poissons, ce qui vous donnera une vision générale des arêtes de poissons depuis le haut et puis depuis le bas. Alors ici, on arrive à un endroit un peu particulier qui a un virage à 90 degrés sur la gauche, dont Manu peut expliquer les raisons. Oui, effectivement, à trois reprises, le réseau se déporte vers le nord, hein, donc il forme trois coups de successifs. Une des hypothèses émises à ce jour nous a été formulée grâce aux observations qu'on a pu faire lors du percement justement du deuxième tunnel de la Croix-Rousse, qui a intersecté la colonne vertébrale inférieure au niveau d'un de ses coudes. Et au niveau de ce coude, la galerie butait sur le socle granitique de la colline, donc sur de la roche dure. La présence de cette roche dure pourrait expliquer que les concepteurs aient dévié l'ouvrage en direction du nord, là où le creusement était plus simple. Ce qui veut dire que le point d'arrivée des galeries n'était pas forcément bien défini dès le départ. Il n'y avait pas de nécessité d'arriver à un endroit bien particulier. Mais il fallait continuer en tout cas. Mais il fallait atteindre les berges. Bruno Pérez, vous êtes responsable de l'unité galerie du Grand Lyon, c'est-à-dire de la métropole lyonnaise. Oui. Si on continue encore plus loin, cette colonne vertébrale supérieure dans laquelle nous sommes, oui. Tout au bout... on tombe sur d'autres galeries qui sont appelées les Sarrasinières, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, il faudrait descendre vraiment beaucoup plus bas et rejoindre quasiment le niveau du Rhône, à environ une soixantaine de mètres de dénivelé. Et là, on tomberait sur une partie inondée des arêtes de poissons. Ces Sarrasinières, elles existent, en tout cas, à ma connaissance, pas sur le territoire lyonnais, mais plutôt du côté de Miribel-Léron, en allant dans l'Ain, avec une construction qui s'apparente, je parle sous le contrôle d'Emmanuel Bernot, qui s'apparente quand même fortement à la construction des arêtes de poissons. Walid Nazim. Ce réseau, je rappelle que les arêtes de poissons sont le cœur d'un réseau beaucoup plus vaste, puisque au bas du réseau, on débouche sur les Sarrasinières qui vont jusqu'à Miribel. En haut du réseau, on débouche sur l'extension nord qu'on appelle les Grandes Fantasques, deux galeries parallèles toujours qui s'enfoncent sous la Croix-Rousse. Il faut se rendre compte que les dimensions de creusement pour ce réseau, c'est 3 mètres par 3 grosso modo. Il a fallu excaver toute cette terre. Ça fait plus de 11 000 mètres cubes de terre excavée. Remplir toutes ces galeries de pierre pour maçonner avec un mortier d'une extrême qualité, mais on peut se demander comment les ouvriers respiraient à 30 mètres de profondeur avec un tel mortier. Pour l'évacuation de la terre et l'acheminement des pierres, c'est là que c'est très intéressant de se dire que les Sarrasinières, effectivement, constituent une véritable route souterraine entre Lyon et Miribel. Ces pierres, donc, qui viennent du nord du Beaujolais, peuvent être amenées par la Saône jusqu'à Miribel, d'où elles sont ensuite parties, d'abord constituées la maçonnerie des Sarrasinières, puis celle des arêtes de poissons. Donc ma méthode, ça a été de me demander à quelle époque la Croix-Rousse, donc où se trouvent les arêtes de poissons, et Miribel, où débouchent les Sarrasinières, appartenaient plus ou moins à un même propriétaire. Au niveau des sols, c'est assez facile et ça m'orientait rapidement sur le Moyen-Âge, puisque en 1218, les terres de la Croix-Rousse appartiennent au seigneur de Miribel, qui donc en 1218 devient sire de Beaujeu. D'où viennent, des confins des terres du sire de Beaujeu, viennent les pierres qui maçonnent le réseau. Miribel lui appartient, la Croix-Rousse également. On peut effectivement envisager que le réseau ait été creusé à cette période-là. Et ce qui est fascinant, c'est Guillaume de Beaujeu, 21e grand maître de l'ordre du Temple, est élu en 1273. Ce sera le dernier maître du Temple assiégé en Terre Sainte. Lorsque Guillaume de Beaujeu est nommé, il est commandeur d'une maison templière dans les Pouilles, au sud de l'Italie. La règle du Temple stipule qu'il doit immédiatement se rendre en Terre Sainte pour y siéger. Au lieu de ça, il arrivera 2 ans et demi plus tard et c'est le seul maître de l'ordre à enfreindre de cette manière la règle du Temple. Que fait-il pendant ces 2 ans et demi? On sait qu'il vient à Lyon. En 1274, il participe au deuxième concile. Ça s'est attesté. Si on admet effectivement que les arêtes de poissons voient le jour au XIIIe siècle, ça pourrait expliquer ce que Guillaume de Beaujeu a fait pendant 2 ans et demi. Il a présidé à la construction de ce réseau. Et on peut pas avoir fait les arêtes de poissons sans avoir une raison extrêmement précise derrière la tête. Donc, j'ai suivi cette hypothèse que les Templiers seraient derrière cette construction. On serait face à une salle des coffres, construite également de manière symbolique. On voit qu'il s'agit de 16 croix souterraines, ce qui nous renvoie encore une fois à l'ordre du Temple. Donc, creusée entre 1273 et 1290. Voilà les arêtes de poisson qui se retrouvent au cœur des mystères de l'ordre du Temple. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence ? Moi, je ne connaissais pas du tout l'existence et j'étais fascinée de savoir ce qui se passe sous terre, justement. J'ai visité pas mal de Traboul et de souterrains à Lyon, mais les arêtes de poisson, ça m'avait vraiment intriguée. Donc, j'avais immédiatement un peu pensé aux francs-maçons, à vrai dire. Le fait que, justement, tous les documents sont partis, ils ne veulent pas savoir révéler la vérité, le pourquoi de la chose, je crois que... C'est un peu louche, c'est peut-être ça, je sais pas. Oui, il y a pas mal d'hypothèses, mais c'est très étayé, très bien construit, et ça paraît tout à fait plausible. Donc moi, j'ai tendance à adhérer quand même pas mal au scénario qu'il propose. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il est assez factuel dans les hypothèses, certes, mais qu'il ne fait pas monter l'attention sur ces mystérieux, il se passe des choses bizarres. Il reste très factuel, très soft, tout en posant les bonnes questions. Et je pense que ça sera intéressant de continuer à le suivre et de voir ce qu'il peut, lui et d'autres, obtenir dans le futur, peut-être pour un dénouement un jour. On peut rêver. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous. À la différence des cordes de nos instruments de musique, les arêtes ont toutes la même longueur. Elles vibreraient donc toutes à la même fréquence et l'amplifieraient. Extrait du film Les souterrains du temps. Le chant de la terre. Réalisation Georges Combes. Capté par les arêtes. Accordé à celui du ciel. Rythmé par les salles de l'extension nord. Repris par les délégués des 60 tribus gauloises, ce chant est porté jusqu'au sommet de la colline, dans le cœur du sanctuaire. Je suis cinéaste, d'origine lyonnaise. Depuis longtemps, je voulais faire un film sur ma ville, et plus exactement montrer le secret ou le mystère qui entoure Mirlingue la Brumeuse, Lyon, ville mystérieuse. Donc. Et j'essayais de trouver un fil conducteur. Et je ne le trouvais pas jusqu'au jour où j'ai lu le livre de Walid Nazim consacré à ces souterrains qui sont sous la Croix-Rousse à Lyon. Je suis allé visiter les souterrains et j'ai eu envie d'en savoir plus. Les collines bougent, glissent, s'ouvrent. Elles sont vivantes. Et donc les souterrains, pour moi, sont connectés à l'imaginaire. Et cette structure très géométrique pourrait évoquer une structure de la pensée, quelque part. Plus qu'une cache, ou une circulation, ou une forteresse, ou des aqueducs, ou des égouts. Toutes hypothèses qui ont été un peu écartées par les archéologues et tous ceux qui sont intéressés à ces souterrains. Dont le mystère reste donc entier. Donc, mon hypothèse, c'est qu'une hypothèse, une hypothèse un peu poétique, c'est que ces souterrains sont les souterrains du temps, et donc de l'histoire. Alors, dans les arêtes de poisson, vous avez une espèce de gros caillou qu'on appelle le gardien, d'une pierre venue de la moraine glaciaire de la colline. Au-dessus, à la surface, vous avez une autre grosse pierre qui est le gros caillou de la Croix-Rousse, qui a été mis là au XIXe siècle. Donc, il y a un lien entre ces souterrains et une grosse pierre. C'est la colline de la Croix-Rousse, quand même. Le Graal était gardé, d'après Eschenbach, par les Templiers, qui portaient une croix rouge. D'après Eschenbach toujours, et là ça commence à devenir intéressant et troublant, le Graal s'appelait aussi la lapis ex caelis, la pierre tombée du ciel. C'était en fait une sorte de météorite dans la mythologie du Graal. Et ça a été déformé au Moyen-Âge, le latin était déformé, c'est devenu lapis exilis, la pierre exilée, et après lapis textilis, la pierre textile. Alors c'est extraordinaire, une pierre textile à la Croix-Rousse, le quartier des tisseurs. Et le textile serait donc un texte. C'est le même mot, texte, textile. Et que font les nornes, les déesses de la destinée qu'on trouve chez Wagner, par exemple, au début du Crépuscule des dieux? Elles tissent le destin des hommes, puis le fil se casse, etc., etc. Donc les arêtes de poisson, c'est une fabrique de l'histoire et une fabrique de destin. on va sous terre, mais comme l'ont fait tous les hommes depuis la préhistoire, dans une grotte, etc., pour se mettre en relation avec ce qu'il y a au-dessus. Ce qui est au-dessus est comme ce qui est en bas, disent les hermétistes, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc en creusant sous la Croix-Rousse, on se met en contact avec ce qu'on pourrait appeler le divin ou l'éternité, ou plus exactement, plus précisément, le destin du monde. Et du coup, ça devient intéressant, et ça devient intéressant d'aller dans un sanctuaire qui va vous mettre en contact avec votre destin peut-être, et puis un destin plus global, d'où le succès de la Pythie de Delphes. Donc, les thèses que je soutiens ne sont pas prouvées, puis je veux pas les démontrer, je dis pas que c'est la vérité, mais je dis que ces arêtes de poisson ouvrent l'imaginaire. On peut pas me reprocher d'avoir de l'imagination. Jamila Fellac, vous êtes maître de conférences en archéologie et en histoire de l'art à l'université de Grenoble, mais vous êtes lyonnaise. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment vous vous êtes intéressée à ce sujet des arêtes de poisson ? Alors, à partir de 2013, déjà, j'ai découvert le livre de Walid Nazim, qui m'a passionnée, et qui m'a intriguée, un, parce que je suis lyonnaise, et deux, parce que je fais de l'archéologie et je travaille sur l'architecture. À partir du moment où ces souterrains ont commencé à être connus du grand public, grâce à ces conférences, il y a eu une imagination qui s'est mise en branle, qui a été d'autant plus importante qu'il n'y avait pas d'autres théories en face. Et d'autant plus importante que personne n'a critiqué ces théories ésotériques. C'est aussi le défaut des scientifiques. Quand il y a des théories un peu invraisemblables qui sont formulées, en général, les professionnels ne disent rien, ne prennent pas la peine d'en parler ou même de les lire, alors que je crois que c'est important de lire ce qui est écrit sur un sujet. Si on ne prend pas la peine d'en discuter, de les considérer, je dirais, ces hypothèses, ces interprétations, eh bien, elles ne font que se développer. Donc le silence de l'archéologie a contribué au développement de ces hypothèses ésotériques. Théoriquement, en science, il ne devrait pas y avoir de secret. Un secret, c'est quelque chose qui est connu que par certaines personnes, qui est gardé jalousement, avec des initiés qui connaissent le secret, les autres, des profanes qui ne connaissent pas le secret. En science, la documentation est normalement accessible à tous. Quand on prescrit un diagnostic d'un point de vue réglementaire, l'équipe qui réalise le diagnostic nous doit un rapport de terrain, des observations, des photos, des relevés, etc. Et donc, ce rapport de diagnostic, comme n'importe quel rapport, est consultable. Alors, effectivement, sous certaines, il y a un papier à remplir, etc. Mais un document, tout ce qu'il y a de plus consultable. Donc, par rapport au fantasme sur les choses cachées, secrètes, etc., ben voilà. Vous parlez du rapport de 2008 d'Emmanuel Bernot et du service archéologique de la ville de Lyon. En 2008, il y a eu une première hypothèse, une première datation qui a été établie au XVIe siècle. Est-ce qu'à l'époque, Luc-Françoise Dimiret, elle convainquait l'ensemble des archéologues, ou est-ce que c'était quelque chose que vous saviez devoir être mis en cause un jour ou l'autre ? Alors, on est un peu tous restés dubitatifs jusqu'au moment où on a décidé de relancer des points de prélèvement de charbon de bois sur une surface quand même assez vaste, hein, dans des réseaux différents. Donc, on est tous partis avec nos sacs en plastique, hein, et faire des prélèvements avec la truelle et prendre dans les mortiers les charbons de bois. Un mot sur la datation au carbone 14 qui a été effectuée. Donc c'était en 2013, c'est ça ? Alors on en a fait plusieurs. On a fait une première série, puis une seconde pour confirmer, dans plusieurs laboratoires distincts. On leur avait bien dit qu'on n'avait pas de datation sur l'ouvrage. On a fait 4 datations sur des charbons de bois. Alors les charbons de bois qu'on a trouvés dans le mortier. Emmanuel Bernot. Les charbons de bois, en fait, ce sont toutes ces petites taches grises, alors qui sont assez légères ici, mais qui sont plus prégnantes dans d'autres galeries. Et toutes ont donné des datations antiques. 3-4 dans mon souvenir, vraiment centrées autour de l'an 0, une un peu plus ancienne, qui correspond probablement à des bois remployés, hein, des bois de récupération. Et le carbone 14, la marge d'erreur environ, c'est de combien ? Alors le carbone 14, c'est en gros un siècle près. Sauf qu'en recoupant plusieurs datations, on arrive à resserrer la fourchette chronologique. Et là, on va dire qu'on se situe au changement d'ère ou au courant du 1er siècle après Jésus-Christ. Néanmoins, cette théorie, enfin cette certitude maintenant que ces galeries sont romaines, n'a que 5 ans environ. Est-ce que c'est vertigineux de tout d'un coup faire un saut de 1500 ans en arrière quand on est archéologue ? Qu'est-ce que ça fait comme sensation quand on se rend compte que on s'est trompé, que les théories ou que les hypothèses n'étaient pas les bonnes. Effectivement, ce que moi j'ai trouvé intéressant dans ce dossier, c'est qu'on a pu échafauder une théorie qui était la route, qui n'était pas forcément étayée par des preuves complètement concrètes, mais qui fonctionnait tout à fait bien, jusqu'à ce qu'on ait ces fameuses datations qui ont tout remis en question. Alors, moi, je prends plutôt le côté intéressant de la chose dans la remise en question. Hein. Je ne prends pas ça pour un échec du tout. Au contraire, c'est ce qui fait avancer. D'être confronté, justement, à ce bouleversement en termes de chronologie. Alors, ça ne change pas un certain nombre d'éléments quant à la construction, la manière dont ça a été construit, et ainsi de suite. Ça, le factuel reste le même. Mais face, effectivement, à aucun élément de datation visible, c'est intéressant de voir les rebondissements que peuvent apporter justement ces datations au laboratoire. Approchez. Voilà, on est ici dans une des rares galeries sur les parois desquelles on a plusieurs graffitis. On en a un ici. Alors, on les voit bien en lumière rasante, vous voyez. On en a un juste à l'entrée. On a en tout 4 graffitis là, sur 2 mètres de long. Et on a le seul graffiti qu'on a réussi à déchiffrer. Alors, on a réussi à le déchiffrer, mais après avoir rendu notre rapport. Donc c'est vrai que c'est des éléments qui sont venus se rajouter par la suite et qui en fait une filiation. On a Bituius, Urazari, Filius, qui veut dire Bituius, fils d'Urazari, qui sont des patronymes romains, d'origine gauloise, même, qui confirment bien, après coup, le caractère romain, romanisant de cet ouvrage. Ça n'a pas pu être un visiteur qui a gravé avec la pointe d'un couteau des mots ouais, c'est une bonne question. Effectivement, on a quelques graffitis qui ont été gravés après coup, hein, notamment quelques chiffres arabes. Ici, on voit bien que le mortier autour des lettres a été repoussé sur les bords, ce qui est la preuve formelle que le graffiti a été réalisé dans le mortier frais. Sinon, on aurait un effet de grattage. On n'aurait pas ce mortier comme ça sur les côtés. En relief. En relief, tout à fait. Alors, on a quelques traces de vie comme ça, de part et d'autre. On a des graffitis, donc on a essayé également quelques dessins digités, donc faits au doigt, toujours appliqués dans le mortier de finition, c'est-à-dire le mortier qui était appliqué à la jointure entre les parois et la voûte. Et puis, on a quelques empreintes de mains également, notamment des mains d'enfants qui ont été apposées dans le mortier frais. Voilà les seules traces de vie qu'on ait dans ces galeries à l'heure actuelle. Il est clair que ça a été une surprise de voir que la datation carbone 14 ramenait les arêtes de poisson à l'époque romaine, mais la datation romaine semble aujourd'hui tout de même s'appuyer sur des éléments qui sont probants, ce qui est déjà un énorme progrès. On est désormais plus serein pour travailler sur le sens de la construction. Patrice Faure, vous êtes historien, spécialiste de l'Empire romain. Alors, on se tourne vers vous pour peut-être essayer de comprendre un peu ce qu'était le Lyon du 1er siècle. Donc à ce moment-là, on peut parler de l'époque augustéenne, hein, c'est-à-dire du Principat d'Auguste, qui dure de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. C'est une période extrêmement longue. Sachant que Auguste, avant d'être Auguste, est Octave, donc il a aussi eu un impact sur Lyon dans les 13 années qui précèdent son avènement en 27. Finalement, c'est quelqu'un qui a considérablement œuvré au développement de Lyon, de Lugdunum. Alors, cette période, c'est une période de développement très fort pour Lyon. C'est une ville qui est jeune. Elle a été fondée en 43 avant Jésus-Christ par un aristocrate romain qui s'appelle Lucius Minacius Plancus, sur ordre du Sénat. C'est une colonie romaine. Et donc, à l'époque où Auguste règne, c'est une ville en plein développement, dans le sens où il y a une conjonction de facteurs qui lui donne une certaine importance en Gaule, et il y a une proximité avec le pouvoir impérial qui lui donne une grande envergure. Donc, c'est un endroit qui, finalement, est un centre névralgique pour organiser la Gaule. Alors, cette ancienne Gaule chevelue est divisée en Gaule-Aquitaine, Gaule-Belgique et Gaule-Celtique, qui deviendra la Gaule lyonnaise, et Lyon devient le chef-lieu provincial de la province de Gaule lyonnaise, qui va jusqu'en Bretagne actuelle. Et la colline de Croix-Rousse, à l'époque, porte le nom de Condate, ça veut dire le confluent, c'est un terme d'origine gauloise. Alors, en effet, confluent Rhône-Saône, mais ce qui caractérise encore plus Condat et donc Croix-Rousse à partir du Principat d'Auguste, c'est l'installation d'un sanctuaire, le sanctuaire du culte impérial, qui est un sanctuaire fédéral, et c'est un sanctuaire qui relève de ce que nous appelons aujourd'hui le culte impérial, qui a été fondé à Lugdunum en 12 avant Jésus-Christ, par Drusus, grand prince de la famille impériale, dans le but de réunir chaque année, au mois d'août, des délégués des cités des Gaules qui viennent rendre hommage à l'empereur et de ce fait aussi témoigner de leur ralliement à Rome. À partir du moment où on annonçait que ces souterrains étaient antiques, ces souterrains m'ont intéressé encore plus, puisque je travaillais sur l'architecture monumentale de Lyon à l'époque antique. Ça m'a d'autant plus intéressé que, en fait, depuis l'annonce de la nouvelle chronologie, il n'y a pas eu de nouvelle interprétation. Ça, c'est la raison qui vous a poussé à écrire un article, Jamila Fellag, l'été 2017, dans la revue Archaeologia. Vous avez décidé de faire un bilan et de proposer une interprétation. Oui. Je savais que c'était très risqué de proposer une hypothèse, parce que mon hypothèse n'est qu'une hypothèse, donc on n'est que dans l'ordre du possible, et je n'y crois pas spécialement. Mais je trouvais que c'était important de risquer une hypothèse, parce que si on ne risquait pas une hypothèse, la critique aurait été de dire, bah, vous voyez, ça ne peut être que un secret, une conspiration, quelque chose lié à quelque chose d'extraordinaire, mystique, parce que les archéologues ne proposent rien d'autre. Dire je ne sais pas, ne rien dire, s'arrêter à une description, c'est une attitude que dénonçait un de mes collègues, l'archéologue Jean Guilaine, ancien professeur au Collège de France, spécialiste de préhistoire et de protohistoire. Il disait que le risque était de se retrouver non pas avec une archéologie, qui est un discours, qui est un logos, mais avec une archéographie, un simple corpus de description, un rassemblement de la documentation, avec des typologies, des datations, quelque chose d'assez, d'assez aride. Alors votre interprétation, Jamila Fellag, quelle était-elle, votre hypothèse? Si on en reste une datation antique, avant la datation antique, ce vaste réseau de galeries suppose une organisation rigoureuse avec des moyens importants, des moyens, que ce soit des moyens techniques, des moyens financiers, une main-d'œuvre importante et aussi un pouvoir politique pour construire un tel édifice. Donc, si on se place à l'époque antique, eh bien, il faut se placer du côté du gouverneur de la province ou de l'empereur. Par ailleurs, ces souterrains sont des ouvrages hors du commun, donc on peut penser qu'ils pourraient répondre à des caractéristiques exceptionnelles du site de Lyon à l'époque antique. Donc on peut réfléchir à ce qui est exceptionnel à Lyon, qui pourrait être en lien avec les souterrains. On sait que dans la ville ou à ses portes était établi un grand sanctuaire, le sanctuaire de Rome et d'Auguste, qui était sans doute un des plus importants sanctuaires de Gaule romaine. On l'appelle aussi le sanctuaire des Trois Gaules. Et il se trouve que ce vaste sanctuaire, dont il demeure peu de vestiges, il y a quand même l'amphithéâtre, mais ce vaste sanctuaire était justement quelque part à la Croix-Rousse. Mais pour l'instant, il est difficile de voir un lien direct avec les souterrains. Ce qu'on peut noter comme caractéristique aussi importante à Lyon, c'est que Lyon est le siège de plusieurs administrations importantes, dont des administrations financières et fiscales. On peut citer par exemple des bureaux qui concernent l'impôt sur les successions. On peut citer une administration en lien avec les mines de fer en Gaule. On peut citer des administrations en lien avec l'impôt, un impôt spécial, l'impôt du 40e des Gaules, qui est une taxe de 2,5% sur les échanges en Gaule, sans doute créée à l'époque augustéenne. Donc il y a une concentration d'administrations très importante à Lyon. Une autre spécificité remarquable du site de Lyon, c'est que la ville accueillait un atelier monétaire impérial, dont il faut souligner l'importance, parce que cet atelier monétaire impérial était un des plus grands de l'Occident romain. Et d'ailleurs, lorsque Strabon mentionne Lyon dans son livre 4 de la géographie, que retient-il qui fait l'importance de Lyon? Il retient quatre choses, dont le fait qu'on y battait des monnaies d'or et d'argent. Un autre fait notable encore, c'est le fait qu'à Lyon était postée une cohorte urbaine. C'est une unité militaire, et en Occident, il n'y a que trois villes dans lesquelles il y avait une cohorte urbaine, Rome, Lyon et Carthage. Et cette cohorte urbaine était en lien avec l'atelier impérial. On peut remarquer d'ailleurs que toutes ces installations exceptionnelles étaient liées. L'atelier monétaire, est une partie des administrations financières qui dépendaient du fisc, donc de la caisse de l'empereur. La cohorte urbaine est qualifiée dans une inscription de cohorte ad monetam. Une de ses fonctions était sans doute de protéger la monnaie. La création du sanctuaire fédéral, dont l'hôtel fut inauguré en 12 ou en 10 avant Jésus-Christ, est liée à des raisons fiscales. On a créé le sanctuaire pour apaiser les Gaulois lors de l'instauration d'un recensement qui allait procéder à une révision de l'impôt. Donc la question que je pose dans l'article, c'est une question, ce n'est pas une affirmation, c'est de savoir s'il pourrait y avoir un lien entre les souterrains, des souterrains qui comportent des salles, dont pour l'instant on imagine une fonction de stockage, et des dépôts surveillés dont les textes et les inscriptions laissent entrevoir l'existence à Lyon. Emmanuel Bernot. Après, la seule possibilité, à mon sens, savoir à quoi correspondaient ces galeries, c'est de réaliser, d'avoir la chance, l'opportunité de réaliser des fouilles en surface, de savoir quel type de bâtiment on pouvait avoir présent au-dessus de ce réseau, donc en lien forcément avec ce réseau. Pourquoi pas le sanctuaire des Trois Gaules ? Donc ça, c'est un peu le Graal pour l'archéologue lyonnais. Mais à mon avis, c'est plus vaste que ça. C'est en lien avec un ensemble de bâtiments. Et tant qu'on aura, on n'aura pas une idée de ce qu'il y avait en surface, c'est difficile d'interpréter ce qu'il y a en sous-sol. Bon, mais c'est super en tout cas. On joue la surface ? Ouais. Allez. Toute la difficulté, et je pense au niveau des recherches officielles actuelles, c'est qu'on cherche à rattacher les arêtes de poisson à un bâtiment de surface. Et on n'en trouvera pas de bâtiment de surface parce qu'on est bien dans un site souterrain dont le but était complètement coupé de la surface, justement. C'est ce qui rend les interprétations très difficiles. Il y a aussi quelque chose qui semble frappant, c'est que on est dans une grande ville de France, qui était une ville importante de l'Empire romain. On a là quelque chose d'assez conséquent, comme monument souterrain. Pourquoi est-ce que ça ne mobilise pas beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie? Pourquoi est-ce qu'une, on peut pas se dire une bonne fois pour toutes, une équipe se consacre à ce problème? Parce qu'on n'est pas dans une série américaine, et que donc c'est une question de société que vous posez, c'est-à-dire que il faut s'interroger sur les moyens qu'on donne à la recherche dans nos sociétés. Je pense par exemple aux archéologues du SAVL, Service archéologique de la ville de Lyon, ils en parleraient mieux que moi, mais ils ont une multitude de missions. Donc ils travaillent sur des dossiers qui, du jour au lendemain, peuvent les emmener vers d'autres périodes, d'autres problématiques. Donc ils travaillent sur les arêtes de poisson quand ils le peuvent, en fonction du temps qu'ils ont. Et à l'université, puisque moi je travaille à l'université, c'est la même chose. On doit donner des cours, on doit faire des recherches sur des dossiers qu'on a parfois choisis des années auparavant. Donc je comprends le sentiment du public. Simplement, les arêtes de poisson, c'est une problématique archéologique parmi d'autres dans l'histoire et l'archéologie de Lyon. Donc être aussi rationnel et garder la tête froide, ça veut dire le traiter le mieux possible avec les moyens qu'on a. Et on espère tous que ces moyens vont augmenter et qu'on pourra progresser. Les gens sont-ils prêts à payer plus d'impôts pour que le SAVL et que l'université et que l'INRAP, etc. aient plus de moyens? La question est posée. Quand on voit les puits d'accès, les mettre à descendre, parfois sans échelle et sans possibilité de s'accrocher à quoi que ce soit, par ces puits qui remontaient jusqu'à la surface du sol, je ne suis pas convaincue par la piste stockage, qui est la théorie minimaliste qui cache la misère de notre connaissance à propos de la fonction, mais je comprendrais qu'on ne vaque pas le public, je n'en suis pas moi-même convaincue. Il faut absolument qu'on réunisse autour de ces arêtes de poissons des spécialistes divers d'autres institutions que les seules institutions lyonnaises. La première recherche que j'aimerais avoir aboutir, c'est celle qui nous afficherait soit la certitude que cette structure est sans parallèle et que ça n'est plus la peine que nous continuions à chercher ce parallèle qui n'existerait pas, soit qu'on trouve un parallèle quelque part. Bon, jusqu'à maintenant, une fois de plus, ça n'a pas été le cas, mais nous n'avons pas exploré probablement toutes les pistes et surtout pas réuni autour de nous une équipe qui nous permet de passer à une phase d'intelligence scientifique plus collective. Et je crois que c'est ça qu'il serait important qu'on mette en place. Est-ce que très concrètement, ça veut dire qu'il faut publier, rendre publique cette découverte dans toutes les universités de l'ancien Empire romain? Est-ce que les archéologues italiens, allemands, connaissent l'existence des arêtes de poisson et est-ce qu'il y a un intérêt international? Alors certainement pas au jour d'aujourd'hui, parce que nous avons été très frileux en matière de communication. Nous pensions que cette incertitude qui dure n'était pas un élément communicable, en tout cas ne permettait pas une communication qui ouvrait des pistes. Voilà, nous allons, je pense, y mettre fin et passer à une politique beaucoup plus, j'allais dire, offensive au sens positif du terme, en matière d'appel à connaissances venant d'ailleurs. J'ai montré le plan des arêtes de poissons à une égyptologue, sans rien lui dire. Elle m'a dit « Ah, ça me fait penser au Sérapéum d'Alexandrie. » Vous avez une sorte de galerie centrale avec des petites galeries qui partent sur les côtés. Donc ça fait penser au plan des arêtes de poissons. Et donc, c'est un peu la même énigme. C'est toujours le même secret qui court sous la pyramide de Gizeh, qui court sous le temple de Salomon, qui court dans les cathédrales, qui court aussi dans la franc-maçonnerie, qui a hérité un peu de tout ça. C'est pas un secret, c'est une voie de recherche discrète, parce que compliquée et pleine d'embûches. Et donc, les arêtes de poissons, à mon avis, sont destinées à rester énigmatiques. C'est leur raison d'être. Un secret, c'est pas fait pour être percé. Merci à Anne Parriente, Jamila Fellag, Jean-Dominique Durand, Emmanuel Bernot, Bruno Pérez, Luc-Françoise Dimiret, Patrice Faure, Walid Nazim et Georges Combes. Merci également à Aldo Borlinghi, à Pascal Bellanca-Penel, et à la librairie du Père Pénard qui nous a chaleureusement accueillis. Prise de son Olivia Branger, mixage Éric Boisset. Les arêtes de poissons, un mystère sous la Croix-Rousse, un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission sur le site de France Culture, réagir à cette émission et à ce documentaire sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC, Fabrique FC. Et puis demain, nous continuons notre série consacrée à la ville de Lyon en nous interrogeant sur la place de Lyon pendant la Révolution française.